alors représente la version qui est sur l'album, la version bourrée. Ouais, c'est bien sûr le dernier soir chez Madame qu'on représente Lyon chez Madame. Un petit squat bien sympa. Moi j'aime bien aller squatter chez Madame. Parce qu'on se pisse dessus quand on se balance des vannes. Suffit de boire un petit canon dès que ça rentre à la maison. Des minas du vigneron ou qu'elle est gaine en carton. Plusieurs soirs ça partait dans vieux coups. On écoutait sous son ordi du bon son fou. Jusqu'au jour où celui-ci a planté. Et depuis il y a la weed qui a poussé. Lyon chez Madame, Lyon chez Madame. Si tu dis que ça te va, c'est parce que t'as rien dans le crâne. Lyon chez Madame, Lyon chez Madame. 2 heures du mat, ça lâche des cris d'animaux. Ça fait chier les voisins et c'est plutôt rigolo. Mais ici, doit se dire en découvrant le reste. On est bourré, c'est pas notre faute, c'est tout ça parce qu'elles étaient pourries et dégoûtantes. Elles traînaient dans le placard, faut dire que madame elle est chiante. Elle laissait périmer des pâtes il y a quelques années. Ou laisser dans le frigo des bols de riz séchés. Lyon chez madame, Lyon chez madame. Si tu dis que ça te plaît, c'est parce que t'as rien dans le crâne. Lyon chez madame, si tu dis que ça te plaît, c'est parce que t'as rien dans le crâne. Représente le lion chez madame complètement défait. Représente le lion chez madame. Bon, c'est le dernier soir qu'on a enregistré ça. Donc, respect à tous ceux qui ont participé à cet album. Respect au micro. Et merci. Au revoir.